machin à ne pas mettre entre toutes les mains. Cela vous pervertirait pour rien. Rendons grâce à qui nous protège des méfaits de ces sortilèges, à ces gens remplis de bonté qui se soucient d'abord de notre santé. Foutez